On en a pris des courbes et des chemins pour en arriver là. On en a mis du temps, patienté sur le quai pour faire le premier pas. Depuis c'est le grand mythe, il y a des hauts, il y a des bas. Tout ça va très très vite, il y a des hauts, il y a des bas. C'est le grand mythe, il y a des hauts, il y a des bas. Tout ça va très très vite, il y a des hauts, il y a des bas. Ce chiffre est indécent, c'est l'harmonie parfaite, quitte à faire des jaloux. Je prends part à la fête, voir les montagnes russes sur mon dos déroulé, une folie de plus dans mon cœur ajouté. Depuis c'est le grand mythe, y'a des hauts, y'a des bas. Tout ça va très très vite, y'a des hauts, y'a des bas. Depuis c'est le grand mythe, y'a des hauts, y'a des bas. Tout ça va très très vite, y'a des hauts, y'a des bas. Des petits bouts d'amour qui crient au loup-garou. Ils ont rejoint le train, on part tous à la fête. Depuis c'est le grand 8, y'a des hauts, y'a des bas.